qui disent « voilà, moi j'ai fait telle chose, telle autre chose ». Mais la vraie repentance doit être accompagnée par la réparation et la restitution. En matière d'argent, si tu as pris l'argent d'autrui, si tu as escroqué, ce qu'il faut faire, c'est de restituer. C'est ce que Mika a fait. Il a reconnu que c'est lui qui a pris l'argent et il rendit l'argent. Oh, que Dieu nous aide à suivre cet exemple aujourd'hui. Tu es peut-être trésorier. Tu es parmi les gens qui comptent l'argent du protocole et tu as pris l'argent. Le Seigneur n'est pas content de toi. Oui, le Seigneur veut que non seulement que tu te répandes, mais que tu restitues. Deuxième vérité, faisons attention à l'idolâtrie. Beaucoup de gens peuvent pratiquer l'idolâtrie aujourd'hui, peut-être consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qu'on peut faire, même lorsqu'on dit qu'on est chrétien, mais qui sont de l'idolâtrie. Vous voyez, ici on parle d'un homme d'Éphraïm, l'une des tribus d'Israël. Dieu a interdit l'idolâtrie dans toutes ses formes. Quand vous lisez par exemple Genèse chapitre 20, parmi les 10 commandements, il est clair. Dieu dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Mais qu'est-ce qui se passe ici? La maman de Milka a pris l'argent pour en faire une image. Il est dit, il rendit à sa mère les 1100 sicles d'argent, et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée. » Justement, c'est ce que Exode 20 interdit. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation. Mais pour elle, elle disait, je vais faire pour l'Éternel. Alors que c'était l'idolâtrie. Dieu lui-même interdit cela. Elle a fait une image en fonte. Il est dit au verset 4, il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 sicles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée, une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Vous voyez encore un autre signe de l'idolâtrie? Avoir une maison. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des grottes. Il y a des gens qui ont des bois sacrés, des maisons sacrées, des maisons où ils invoquent telle divinité, esprit des eaux, esprit des forêts. On met une image quelque part où on s'incline, on se prosterne, on dit que c'est ça Dieu. Dieu interdit de telles pratiques. C'est l'idolâtrie. Pire encore, Mika avait consacré un de ses fils comme prêtre, alors que Dieu a choisi des personnes bien précises, c'était les gens de la tribu de Lévi. Ce n'était pas les gens de la tribu d'Éphraïm qui pouvaient jouer le rôle de Lévite. Vous voyez comment aujourd'hui beaucoup de gens s'improvisent comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, sans appel. C'est ce qui s'est passé ici. Il consacre son fils. Écoute-moi bien, tu peux être président d'église. Ce n'est pas parce que tu es président de l'église que tu vas consacrer ton fils comme pasteur, comme serviteur, pendant qu'il n'a pas l'appel. Non, ça c'est l'erreur que Mika avait commise. Quand on n'observe plus les prescriptions divines, il y a la confusion qui règne, il y a l'idolâtrie, il y a la bassesse. Il est dit au verset 5, « C'est Mika avait une maison de Dieu, il fit un effort et des théraphimes, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit des prêtres. » Troisième vérité, quand il n'y a pas d'autorité dans une nation, dans une région, dans une entreprise, chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi nous devons reconnaître que l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'autorité pour remettre de l'ordre. Si nous vivons dans une société où il n'y a pas d'autorité, il y aura le chaos. Et c'est ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Le verset 6 dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble bon. » Quand il n'y a pas d'autorité, chacun fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas normal. Le rôle de l'autorité, c'est de rétablir l'ordre. Lorsque Dieu t'a placé comme chef d'entreprise, comme directeur, comme président d'église, comme ministre, comme, je ne sais pas, commandant, tu as le devoir de mettre de l'ordre. Parce que quand il n'y a pas d'autorité, chacun fait ce qu'il veut. Quatrième vérité. Les vrais serviteurs de Dieu doivent éviter de marcher dans la compromission. Et l'un des éléments que l'ennemi utilise aujourd'hui pour compromettre des hommes de Dieu, c'est l'argent. Regardez ce que dit ce passage. Il y avait un homme de Dieu qui venait de Bethléem de Juda. Il est venu chercher la demeure. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé Milka. Et Milka lui a proposé de devenir comme son lévite. C'est-à-dire, il lui a proposé un salaire. C'est ce qui a attiré cet homme. Il n'a même pas cherché à savoir si réellement c'est Milka vivait dans la vérité. Il n'a même pas cherché à savoir si la maison de Dieu là, c'était conforme à la parole de Dieu. Mais il a accepté de vivre dans la compromission à cause de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention, il y a des gens parfois qui nous proposent de grosses enveloppes. Tu es pasteur, tu es je ne sais pas, prophète, tu es bishop. Il y a des gens qui vivent dans la compromission, des dames qui séduisent les maris d'autrui et qui peuvent venir pour dire je vais donner tel million pour la construction du temple. Mais il faut d'abord vérifier si cet argent vient d'une source pure. Il faut d'abord vérifier si sa vie glorifie le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés pour être des pasteurs de famille, pour des pasteurs des individus, mais nous servons l'Éternel, le Dieu vivant. Et ce jeune lévite est tombé dans ce piège-là. Il est dit au verset 10, Micah lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 sicles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien, et le lévite entra. » Le verset 11 dit, « Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micah consacra le lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. » Quelle abomination! C'est un idolâtre qui consacre maintenant un homme de Dieu. Vous voyez jusqu'où nous pouvons tomber bas? Faisons attention. Il y a parfois des gens qui, à cause de leur argent, ils peuvent manipuler des hommes de Dieu. Ils peuvent manipuler des pasteurs. Ils peuvent manipuler les présidents d'église. Que Dieu nous en préserve afin de garder notre dignité de serviteurs, de servantes de Dieu. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer. Chantons ce cantique. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai. Guerrier pendant les combats, El Shaddai. il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Jésus combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Yahweh combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra. Alléluia, il est Dieu, il est Dieu, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il mérite la louange. Je voudrais ensemble que nous puissions élever nos voix pour lui dire merci, pour bénir son saint nom. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui nous préserves de l'idolâtrie. Oh, tu es le seul qui peut nous garder fidèles à toi. C'est pourquoi nous nous confions encore entièrement à toi. Oh, merci Seigneur, toi qui nous éloignes du mal. Merci de nous aider à nous attacher entièrement à toi et non pas à faire ce que bon nous semble dans ton œuvre. Seigneur, nous voulons refuser de faire notre volonté, mais nous voulons te servir selon ta volonté à chaque instant de notre vie. Oh, sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu fidèle et toi qui nous rend également fidèles à toi. Nous t'élevons dans nos vies, nous te glorifions, nous te magnifions, notre Père, notre Seigneur, toi le seul capable de nous garder. Nous voulons en ce moment, ô Père, nous confier encore à toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Sois béni notre Père et notre Seigneur, toi le Dieu qui nous a sauvés et qui nous conduit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges 17, 1 à 13. Nous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web ou vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre, un ami ou un frère qui se trouve partout dans le monde. Vous pouvez tout simplement lui donner ce lien www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. En un seul mot, .com. Et il peut commencer à prier avec nous à travers le net. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce texte. Nous venons de voir que nous devons être honnêtes en matière de gestion d'argent. Ce n'est pas facile. Nous allons prier. Chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être honnête. Surtout lorsque je gère l'argent, lorsque je gère la caisse, lorsque je gère la trésorerie, lorsque je suis un responsable des finances quelque part. Faisons attention que Dieu nous donne d'être honnêtes et que Dieu puisse toucher tous ceux qui ont dilapidé les biens d'autrui, l'argent d'autrui, la caisse ou autre chose, que Dieu les aide à reconnaître comme Mika, à être honnête et à les restituer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tes bienfaits. Toi qui nous as donné la vie. Toi qui veilles sur nous pendant que nous sommes endormis. Toi qui nous donnes la force pour nous réveiller. Toi qui renouvelles notre joie chaque matin. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont appelés à gérer des fonds, que ce soit des fonds de l'Église ou des fonds publics. Nous prions au Père éternel qu'il manifeste cette vertu d'honnêteté que l'Éternel attend de nous tous. Nous prions au Père éternel pour la manifestation de l'honnêteté dans la gestion des biens au sein de nos communautés. Au sein de nos églises, que tous ceux qui s'occupent de la trésorerie le fassent avec probité, avec droiture, avec intégrité. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toute forme de manipulation frauduleuse est liée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu touches ceux qui utilisent mal les fonds, ceux qui ont détourné les fonds, afin qu'ils puissent revenir à de meilleurs sentiments, restituer ce qu'ils ont pris à la gloire de ton nom. Nous prions Père éternel, nous demandons que nos systèmes de gestion soient sécurisés. Donne de l'intelligence aux responsables afin qu'ils puissent sécuriser tout système de gestion, afin que ton nom soit glorifié en toutes choses. Merci Père éternel, merci pour tous tes bienfaits et merci pour tout ce que tu nous donnes à gérer chaque jour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous pouvons commettre les défauts, que nous pouvons tomber dans l'idolâtrie, comme ce fut l'exemple de ce Mika, dont la maman a fabriqué une image. Mika lui-même avait une maison de Dieu. Il a consacré son fils prêtre alors qu'il n'était pas habilité à jouer ce rôle. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu pour tous les actes d'idolâtrie, de quelque matière que ce soit, et que Dieu éloigne de nos vies, que Dieu éloigne de nos familles, de toute forme d'idolâtrie, afin que nous puissions adorer le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te remercier parce que ta parole contient beaucoup d'exemples d'idolâtrie. Mais ce n'est pas parce que ça se trouve dans la Bible, nous devons imiter ces personnes qui ont fait cela. Et tous ceux qui l'ont fait ont été condamnés, ont été frappés. Et à travers leur vie, c'est un enseignement qui nous est donné. Mais malheureusement aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des actes d'idolâtrie. Des actes d'idolâtrie dans nos familles, des actes d'idolâtrie dans nos ministères que tu nous donnes, à travers nos dons que tu nous donnes. Seigneur, nous avons des marabouts, des devins, des personnes, des diseurs, des bonnes aventures, des diseurs de bonnes aventures dans nos églises pour soutirer de l'argent aux fidèles. Nous les condamnons, nous les renversons. Nous les détruisons et nous proclamons les vrais serviteurs, les vrais prophètes, les vrais enseignants, les vrais serviteurs de Dieu dans nos maisons. Seigneur, c'est toi qui dois être adoré, qui dois être célébré, qui dois être magnifié, qui dois être exalté et non pas un homme que tu as créé à ton image qui sont adorés aujourd'hui. Seigneur, Viens à nos secours et que ta parole soit prêchée, que ton esprit agisse avec puissance, avec autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que le vrai serviteur peut vivre dans la compromission, surtout à cause de l'argent que les gens peuvent proposer. Ce fut le cas de ce Lévite qui est venu de Bethléem. Prions le Seigneur afin qu'il nous préserve, qu'il préserve nos pasteurs, qu'il préserve nos prophètes, qu'il préserve nos pères spirituels, nos mères spirituelles qui sont consacrées à l'Éternel, afin qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Et s'il y a quelques-uns qui sont tombés dans ce piège, que Dieu les éclaire, que Dieu les libère au nom de Jésus. Car la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Prions le Seigneur. Père, sois béni au nom de Jésus. Merci parce que sans argent, nous ne pouvons rien faire. C'est l'argent qui nous permet, Seigneur notre Dieu, de faire l'évangélisation, d'acquérir les instruments de musique, de faire des projets pour l'Église, de construire, Seigneur, des bâtiments pour t'adorer, pour te louer. Mais l'amour de l'argent, c'est ce qui est mauvais. Idolâtrer l'argent, c'est ce qui est méchant. Et je prie que cela ne soit point notre portion au nom de Jésus. Que tu nous fasses sortir de courir après l'argent, de ne chercher l'argent coûte que coûte, de vouloir tuer, de vouloir corrompre, de vouloir voler pour pouvoir se distinguer, pour pouvoir se faire une image pour de l'argent. Cher Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu fasses sortir nos âmes, nos cœurs, nos pensées de ces choses. Merci de nous distinguer, d'être des hommes honnêtes, des hommes d'une pensée pieuse, dans la tranquillité, qui comptent sur toi, qui espèrent en toi, qui manifestent le fruit, les dons de l'Esprit, qui marchent dans la crainte, dans le tremblement. C'est ainsi que des portes nous seront ouvertes pour que la grâce, le bonheur, pour que rien ne nous manque. Merci Saint-Esprit de d'aider quelqu'un ce matin à avoir son projet, à avoir le financement de son projet. Aide cette femme à sortir de ce marasme financier. Merci Saint-Esprit de mettre dans le cœur de ce frère, de soutenir, Seigneur, ce projet d'évangélisation. Bénis tes enfants, visite les finances de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Nous voulons rappeler, avant de terminer notre rendez-vous hebdomadaire, Bonheur conjugal pour les célibataires. Ce sera pour ce dimanche 1er novembre 2015, à partir de 17h, au lieu habituel, dans la salle climatisée du CPE. Thème, l'importance de la sanctification avant le mariage. Ne ratez pas ce rendez-vous, car Dieu vous visitera. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain.